fuck you better than whore. Wanga Maria neye wana azakoti karanga ina kibondo nazoto azali kitoko mingi mwana mokere oya mama na kati ya motema azali pembe ayebi denge basala kama bete o bizali na miseko manga ebali soki sangole ya mabeninga motema nanga na maboko ya sherie mokolo yo revoir ebo ya komanda pepo nasengi palato na kombo ya masia sima na yese na miso. Je renais, chérie, je renais. Chaque jour par mot, chaque jour par ton amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Marianne bien-aimée. Marianne bien-aimée. Marianne bien-aimée. I like you better than her. Marianne. Oyangai Marianne ye wana azakoti kalangai na kibondo nazoto azali kitoko mingi mwana mokere oya mama na kati ya motema azali pembe ayebi denge basala kama beteo bizali na mise komanga ebali soki sangona ye ya mabeyelinga motema nangai na maboko ya sherie mokolo yo revoir ebo ya komanda pepo nasengi palato na kombo ya masia nsima nangai otala miese na miso. Je renais, chérie, je renais chaque jour par ton amour, chaque jour par ton amour. Marianne bien-aimée, Marianne bien-aimée, Marianne bien-aimée. Oka, oka. Chérie, Marianne bien-aimée, motembe, tondi meke na l'amour. Soso mobali, defisa ngaya ya mongongo, aime la chérie nangai likolo. Miza te bele na butu na likolo, kokote kokani na ya na kitoko. Popo lipo, nindana biso moko, mete la Marianne ye batolinga ye boye. Je renais, chérie, je renais, chaque jour par ton amour, chaque jour par ton amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Marianne bien-aimée, Marianne bien-aimée, Marianne bien-aimée. Mon petit bébé, ma Marianne, Gayawana bébé, côté maman Claudie, mais qu'en a l'amour, mais qu'en a l'amour, ma Marianne, mais qu'en a l'amour, ma belle la chérie, mais qu'en a l'amour, ma bien-aimée, mais qu'en a l'amour, papa, oui, ma fille, mais qu'en a l'amour, Olomide, mais qu'en a l'amour. Mekena l'amour la lela Johnny Kouyere. Mekena l'amour la lela Mimi Moke. Mekena l'amour Tayoni. Mekena l'amour Kaime Emere. Mekena l'amour Mariana. Mekena l'amour. Mekena l'amour. Awa! Hey! Yeah. Cuba. Adiós, adiós, adiós. Welcome, monsieur. Welcome, monsieur. What? What? Chérie, Marianne bien aimée, pour t'aimer, ton dîme est qu'un à l'amour. Sans ça, mon balion, et puis ça, gaïa, mon maman, a aimé la chérie, n'a pas eu l'icolo. Misa te pele na butu na likolo Moko te kokali na ya na kiloko Popo lipo, indanda visa moko Mete la maria na eba to linga ebo e Je renais, chérie, je renais Chaque jour par ton amour, chaque jour par ton amour oh, oh, oh, oh. Maria ne bien aimé Let's go.